Bon. Ben, merci, Daniel, d'avoir lu le texte pour nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, j'aimerais personnellement te remercier pour la façon que Daniel nous a invités dans une réflexion et dans l'adoration. Merci pour Romuald et Martin et Moïse qui nous ont dirigés dans la célébration par des chants. Et maintenant, Seigneur, on arrive devant le texte dans le Sermon sur la montagne. Et Seigneur, nous voulons tout d'abord être à l'écoute de ta parole par ton esprit. Illumine-nous pour que nous puissions bien comprendre ce texte. Mais deuxièmement, Seigneur, nous ne voulons pas simplement le comprendre. Nous voulons le pratiquer. Et nous voulons surtout le pratiquer dans le contexte de la célébration de la naissance de ton Fils, qui est notre Seigneur. Donc, Seigneur, parle-nous. Ouvre nos cœurs, nos corps, nos esprits. Et Seigneur, fais en sorte que nous puissions bien savoir comment nous diriger pour que toi, tu reçois tout le crédit de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le calendrier liturgique, donc le calendrier que les églises utilisent annuellement, aujourd'hui est reconnu comme le deuxième dimanche de l'Avent. Donc, le deuxième dimanche en préparation pour la célébration de la naissance de Jésus. Et si vous vous souvenez bien, l'année passée, pour l'Avent, on a allumé un chandelle chaque dimanche. On ne l'a pas fait cette année, mais la couleur pour aujourd'hui, ben, et aussi pour la semaine passée, c'est le purple, qui joue historiquement dans la tradition de l'Église deux rôles. Tout d'abord, la couleur, elle est solennelle, mais en même temps, les royales. Donc, solennel, oui, on arrête pour penser. Mais la royauté, parce que le roi va faire naître. La couleur purple nous rappelle à la fois de le fait que, oui, Emmanuel est parmi nous. Mais en même temps, il a été envoyé par Jésus, par Dieu. Donc, nous avons cet équilibre à Noël. Cet équilibre entre Dieu parmi nous, mais Dieu qui vient d'en haut. Et en même temps, le solennel nous rappelle que nous sommes dans le vécu de tous les jours, mais la royauté en attend que Dieu revienne pour nous. Donc, Noël n'est pas simplement, et l'Avent n'est pas simplement une préparation pour la naissance de Jésus, mais c'est à la fois une préparation pour le fait que Dieu va revenir. Donc, on vit le Emmanuel et on vit le Maranatha. Donc, on va appeler ça aujourd'hui, on va tous des chrétiens un peu schizophrènes. ici-bas, mais on attend qu'il revienne. Et notre texte ce matin nous fait exactement la même chose. Parce que il y a deux semaines, Jésus a décrit sa mission, ce que Dieu a révélé. Jésus a bien dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Mais ce matin, on va passer de cette révélation aux enjeux de tous les jours. La colère, la convoitise, les difficultés maritales et l'honnêteté. Plus terre à terre que ça, et tu meurs. Voilà. J'ai dit la semaine passée, ou il y a deux semaines, que Matthieu 5, 17 à 20 est comme le traité, comme le préambule d'un traité de paix. C'était le préambule pour la mission de Jésus, telle qu'il l'a articulée dans le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on rentre dans les articles de la traité. Donc, si vous vous souvenez bien, dans une constitution, dans une traité de paix, il y a toujours le préambule. Advenant que, étant donné que, attends, OK, ça c'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. Maintenant, on arrive dans les articles. Et c'est vraiment la radicalisation, l'intensification, le bien fondé de qu'est-ce que ça veut dire pour nous de suivre Jésus. Quelle différence est-ce que cet enfant qui est né pour nous, quelle différence fait-il dans nos vies individuelles et dans le vécu de notre communauté? Voici ce que Jésus présente. J'ai décidé ce matin de faire les quatre premières, ce qu'on appelle les antithèses. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On va faire quatre ce matin. Le quatrième dimanche de l'Avent, on va faire les cinquième et sixième, les deux dernières antithèses. Parce que ça touche la question de la paix et la violence. Et s'il y a un message de Noël ces jours-ci, c'est que Jésus est le prince de paix. Donc, le 18, on va célébrer le fait que le prince de paix est né. Pas simplement pour nous, mais pour le monde. Faisons une petite récapitulation de ce qu'on a vu en 5, 17 à 20. Si vous vous souvenez bien, on a vu dans cette préambule que Jésus a dit quatre choses. La première chose qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas venu pour abolir le Torah. Et si vous vous souvenez bien, on a défini le Torah comme les œuvres de la loi, les règles de comportement. C'est 649 lois, positives et négatives, pour réglementer la communauté. Et Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir ça, mais pour l'accomplir. Pour ainsi dire, je suis la réalisation, je suis le Messie. Deuxièmement, on a vu que Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir le grand plan du salut de Dieu. Il a dit, vraiment, je vous assure. Et il a mis l'accent qu'en lui, ni la plus petite lettre, ni le plus petit i sur le point sur le i ou le bar sur le t sera changé avant que tout soit accompli dans lui. Il est l'accomplissement du grand projet de Dieu. Verset 19, on a vu la troisième chose. Conséquemment, Jésus a dit. C'est pourquoi les disciples, et surtout les disciples qui enseignent, doivent bien enseigner tout le projet de Dieu, pas simplement ce qu'ils aiment enseigner. et Jésus nous a invités d'aller pour trouver quel est le cœur. Et on a examiné qu'est-ce que Jésus a dit aux enseignants de la loi, où il a dit, « Organisez-vous d'obéir ce qu'ils disent, pas ce qu'ils font. » Et il a dit, ils sont très méticuleux dans la façon qu'ils font leur dîme avec la menthe, avec le cumin, avec toutes les petites épices. Mais ils oublient la justice, la miséricorde et l'amour. Et Jésus a dit, il faut enseigner tout le projet. Et la quatrième chose, Jésus s'est adressé à ses disciples et dit, « Tous les disciples doivent suivre intégralement tous les aspects du projet de Dieu centré en Jésus. » Et si vous étiez là, on l'a appliqué. On a utilisé Sandy comme une étude de cas. Vous vous souvenez? Sandy, elle aime beaucoup le homard. OK? Oui, tu te souviens. OK. Trois semaines? OK. Voilà, trois semaines. L'Ancien Testament dit, on ne peut pas manger du homard. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a dit sur les aimants? Que tous les aimants sont à manger et donnés par Dieu. On a utilisé Yann comme exemple, qui portait des blue jeans. Dans l'Ancien Testament, un homme ne peut pas porter... Voilà, exactement. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que Jésus, le Nouveau Testament, parle des vêtements? Non. Donc, on a vu que Jésus est venu pour nous donner une justice qui dépasse les points sur les i ou les barres sur les t, pour nous inviter de trouver le central dans la personne et dans l'enseignement de Jésus. Mais maintenant, on passe de ces quatre principes au vécu. Et aujourd'hui, on va examiner qu'est-ce que Jésus a à dire concernant la colère, la convoitise, les difficultés maritales et l'honnêteté. Parce que Jésus va maintenant expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'accomplir le grand projet de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de lui obéir? Et il va maintenant illustrer le préambule. Il est pour cette raison que j'appelle cette section la radicalisation ou l'intensification de la loi. Jésus va nous pousser maintenant, pas simplement de lui obéir, mais d'examiner nos intentions, d'examiner nos motivations, d'examiner le fondement, le pourquoi de notre obéissance. Et il va littéralement, comme nous allons voir, il va le radicaliser. Il va nous pousser au pied du mur. Voici comment le texte est construit. Six fois, Jésus dit, trois fois Jésus dit, « Vous avez entendu dire de vos ancêtres. » De vos ancêtres, c'est une façon de dire de l'Ancien Testament, du Torah. Mais moi, je vous dis, il le personnalise. Trois fois, il va dire, « Vous avez encore entendu de vos ancêtres. » Donc, six fois, nous avons sensiblement la même chose, mais dans les trois derniers, il va ajouter la conjonction « encore ». Mais c'est la même chose. Pour ainsi dire, Jésus dit à ceux et celles qui l'écoutent, « Vous voulez discuter le meurtre, l'adultère, divorce et vos vœux. Moi, j'aimerais discuter vos éclats verbaux. Moi, j'aimerais discuter la convoitise. Moi, j'aimerais discuter la fidélité maritale et votre respect envers les femmes. Moi, j'aimerais discuter les intentions dans vos propos. » Donc, vous voyez, Jésus va prendre quelque chose de leur vécu, un de leurs sujets chauds, et Jésus va les pousser pour examiner le bien fondé de leur interprétation du Torah. Et il va dire, par rapport à la colère, Jésus va dire, « Mais moi, j'exige le pardon et la réconciliation. » Par rapport à la convoitise, moi, j'exige, Jésus dit, la discipline de votre vie intérieure. Par rapport au divorce et à la fidélité maritale, Jésus dit, moi, j'engage et j'exige l'engagement. Et quand Jésus aborde la question des vœux ou des contrats. Jésus dit, ce que moi j'exige, c'est la vérité et l'honnêteté simple. Donc ça, c'est la structure du texte. Prenons les quatre, une à la fois. Vous avez entendu qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Jésus pige le sixième des 10 commandements. Et, selon Exode 20 et le verset 13, et la deuxième répétition des 10 commandements en Deutéronome, chapitre 5 et le verset 17, c'était très clair qu'un des commandements, ne commettez pas de meurtre. Mais Jésus est allé au-delà. Parce que c'est simple de mesurer si vous ne commettez pas de meurtre, n'est-ce pas? Martin, as-tu jamais tué quelqu'un avec un... Non? Pas encore. Pas encore. Moi non plus. C'est comme ma mère m'a dit une fois, dans un moment lucide, j'ai dit, « Maman, as-tu jamais pensé de divorcer papa? » De te divorcer de papa? Elle dit, « Divorce? Non, jamais. Meurtre? Oui. » Mais c'est facile de mesurer. Mais Jésus a dit, « Oui, vous voulez discuter le meurtre, mais moi j'aimerais discuter. » Et il dit deux choses. « Votre colère envers vos frères et sœurs. Moi, j'aimerais discuter vos éclates verbales. » Et Jésus est allé très précisément. Parce que dans cette première antithèse, donc le thèse, OK, vous avez entendu dire, antithèse, mais moi, je vous dis, et quand Jésus a parlé de leur colère et de leurs éclats de parole, Jésus dit, si vous appelez votre frère Raca, ça c'est un mot en araméen, qui veut dire imbécile, littéralement vide. Contextualisons l'expression. Lorsqu'on dit en bon québécois, « T'es cave », c'est la même chose. C'est la même chose. Et même Jésus dit, « Si vous traitez votre frère de moros », ça c'est le mot en grec, d'où vient notre mot en français pour « moron ». OK? Et une autre façon de dire, « Hé, là-dedans, t'es pas là-dedans, t'es stupide. T'es un idiot. » Et Jésus dit, si vous traitez votre frère soit de raca ou de moron, vous serez traduit en justice locale, vous serez amené devant le Sanhédrin, même vous allez passer à l'enfer. Évidemment, c'était ce qu'on appelle un hyperbole. Une exagération. Parce qu'il n'y avait pas de loi dans l'Empire romain ou dans la loi juive. Si vous traitez quelqu'un de cave ou de idéon, que vous allez aller jusqu'à l'enfer. Mais Jésus voulait faire le point. Et le point qu'il voulait souligner, c'est que quelle est la racine du meurtre? La colère. Il a radicalisé le sixième commandement. Il a intensifié la loi. Donc, la vaste majorité des êtres humains peuvent dire, « Hé, j'ai obéi au sixième commandement. Je suis bon. Je vais gagner mon ciel. » Mais Jésus nous pousse à examiner ce qu'on pense et ce qu'on dit. Il nous invite de regarder cette colère. Et il dit, si vous vous présentez contextuellement à l'Église, et tout d'un coup vous vous rendez compte que vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre dîme, laissez votre Bible, laissez l'apparence et allez régler ça. Pour ainsi dire, Jésus dit, j'exige le pardon et la réconciliation. Un de mes voisins vient de la Serbie. On est voisins depuis, Sandy et moi, nous sommes là depuis 25 ans, donc Mickey est là depuis 24 ans. Et lors des trois guerres entre la Serbie et initialement la Croatie, et ensuite la Bosnie-Herzégovine et finalement le Kosovo, un jour je suis allé et j'ai dit, « Mickey, explique-moi qu'est-ce qui se passe dans ta patrie. » Et il dit, « Ah, c'est pas compliqué. » Selon moi, ça avait l'air d'être très compliqué. Mais lui, il dit, « Non, c'est pas compliqué. » Je dis, « Pas compliqué? » « Non. » 1492. Il dit, « 1492? » Non, non, non. Ça, c'est quand le Kosovo a attaqué le Serbie. Et il a dit, aujourd'hui, c'est le règlement des comptes. Un siècle, deux siècles, trois siècles, quatre siècles, cinq siècles, on est en train de régler les comptes. Il a dit, Glenn, quand j'étais petit, au genou de ma grand-mère, elle m'a raconté comment les Kosovars nous ont traités, nous les Serbes. Il faut rendre des comptes. Mes amis, ça c'est la colère qui se manifeste dans le meurtre, le viol, nommez-le. Et Jésus dit, j'exige le pardon et la réconciliation. Le deuxième texte, Jésus dit, « Vous avez entendu dire, ou vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Et maintenant, Jésus prend le septième des 10 commandements. Exode 20, le verset 14, et dans la deuxième répétition des 10 commandements, en Deutéronome, chapitre 5, et le verset 18, c'était très clair que l'adultère n'était pas permis dans la communauté. Dans le cas de Lévitique, chapitre 20, c'est la même chose. L'adultère a été très mal vu, même dans l'époque du deuxième temple de Jésus. Mais Jésus, encore, il dit, « Bon, vous voulez discuter l'adultère? Moi, j'aimerais discuter la convoitise. » Et il y avait probablement beaucoup d'hommes autour de Jésus qui ont dit, « Ah oui, j'ai obéi à le septième commandement. » En chapitre 19, Jésus va réembarquer dans cette discussion parce que les interprètes de la loi et les scribes sont venus auprès de Jésus en Matthieu 19 et ils ont dit, « Êtes-vous d'accord que si on veut se divorcer, et on va examiner ça tantôt, mais c'est un bon indice de la façon que les interprètes de la loi et les pharisiens ont interprété la lettre de la loi. Donc, si je ne me suis pas couché avec une femme qui n'était pas la mienne, il n'y avait pas d'adultère. Mais il y avait la promiscuité. Parce que des hommes quittaient très facilement leurs femmes. Nous avons des récits des hommes qui ont exigé un certificat de divorce parce qu'ils n'aimaient pas, j'exagère pas, je blague pas, parce qu'ils n'aimaient pas la façon que leurs femmes ont préparé leur petit déjeuner. Et c'était une échappatoire. Et ils ont trouvé d'autres femmes, mais ce n'était pas l'adultère, parce qu'ils avaient le certificat. Et Jésus dit, vous voulez discuter l'adultère? Moi, j'aimerais discuter la convoitise. Ouh! Ça, c'est d'autres choses. Et encore, Jésus va exagérer, il va faire l'hyperbole. Il dit que si vous convoitez une femme, moi, je vous suggère d'arracher vos yeux et de trancher vos mains. Maintenant, ce n'était pas d'être interprété littéralement. C'était une hyperbole. C'était pour faire le point. La question n'est pas de trouver le certificat. La question, le point, c'est examiner qu'est-ce qui est au fond de l'adultère. Et il ne peut pas être plus explicite. Parce que qu'est-ce que fait un homme quand il commet l'adultère ou quand il pratique la convoitise? Comment est-ce qu'il le fait? Avec ses yeux et avec ses mains. Et Jésus a dit, attaquez le vrai problème. Donc Jésus a dit, j'exige la discipline de votre cœur. J'exige que vous examinez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc si c'est la pornographie par Internet, si c'est les jeunes filles dans les bistrots, Jésus parle aux hommes ici, OK? Je vais parler aux hommes. Si c'est les jeunes filles dans les bistrots, si c'est la façon de regarder, j'étais avec un de mes amis la semaine passée et il était avec sa jeune fille, sa fille aînée. Il a dit, Glenn, c'était drôle, hein? J'ai présenté ma fille à, et il a nommé la personne que je connais, et quand cette personne a regardé ma fille, il a fait, « Oh, salut! » OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça dit tout! Jésus dit, « Je vous invite avec le porno, l'Internet, les magazines, la façon de regarder les femmes. » Imaginez, Bell Canada gagne des centaines de millions de dollars chaque année par la pornographie téléphonique, les numéros 1-900. Donc, Jésus dit, examinez vos cœurs, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La question n'est pas l'adultère et le certificat. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'exige la discipline de vos yeux, de vos mains, de votre esprit, de votre corps. Je vais revenir là-dessus tantôt. Troisièmement, vous avez entendu Jésus dit au verset 31, il a été aussi dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit lui signifier par une déclaration écrite. Mais maintenant, il touche la prochaine question. Oh, OK. Tu mens, merci. Donc maintenant, Jésus passe, et la question du divorce n'était pas parmi les 10 commandements, mais c'était bien connu. Et en Deutéronome 24, Jésus prend exactement ce qui lui a été cité concernant ces fameux certificats de divorce. C'est une longue histoire, mais Moïse, à cause de la dureté des cœurs des hommes juifs, Matthieu leur a permis, Moïse leur a permis de se divorcer d'avec leur femme s'ils avaient un certificat. C'était une façon de protéger les femmes. Parce qu'une femme peut dire, non, je ne le permets pas. Donc, il y avait une pratique. Jésus va le discuter davantage en Matthieu 19. Mais ce qui est important ici, c'est que Matthieu fait quelque chose qu'aucun auteur néo-testamentaire fait. Il dit, sauf en cas d'infidélité. Donc, Jésus est en train de dire ici, vous voulez discuter le divorce et vos fameux certificats, mais moi j'aimerais discuter la fidélité maritale. Et en parlant de l'infidélité, il a poussé son auditoire de dire, « Oh, est-ce que je reste fidèle à mon épouse? » Et en parlant dans le cas de l'infidélité, il était en train de dire, « Moi, j'aimerais discuter le respect pour les femmes. » Et que vous ne vous pouvez pas simplement vous divorcer quand vous voulez, n'importe quand. Il est pour cette raison que Jésus dit, « J'exige l'engagement. » Et Jésus a poussé ces gens d'aller au-delà d'une petite exception dans le code deutéronomique, simplement parce que les hommes avaient des cœurs durs, pour leur dire, « Hé, où se situe votre fidélité envers votre époux ou votre épouse? » Le mot ici pour « infidélité », c'est le mot « pornéo », d'où vient notre mot pour la pornographie. Mais la façon que le mot est utilisé à l'époque de Jésus veut dire « infidélité ». Et dans mon propre pratique pastorale, j'ai dû beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'infidélité dans le mariage. Est-ce que le fait qu'un homme trompe sa femme, est-ce que ça c'est un cas d'infidélité? Oui. Est-ce que c'est une raison suffisante de se divorcer? Ça dépend. Si l'engagement peut être rebâti et la fidélité et la confiance peuvent être rebâties, je connais bien des gens qui ont passé au-delà de ça. Mais personnellement, et c'est une opinion personnelle, moi j'ai vécu des cas où il y avait l'abus sexuel, il y avait l'abus verbal et physique. Et moi je suis arrivé à la conclusion que ça c'est un cas d'infidélité. Parce que les vœux du mariage, la paix qui est au cœur du mariage, était brisé. Et pour moi, dans le cas de l'abus physique ou de l'abus sexuel ou de l'abus verbal prononcé, ça c'est un cas d'infidélité. Mais la question ici n'est pas simplement de trouver les exceptions ou les raisons pour se divorcer. Jésus est en train de dire ici, moi j'exige l'engagement, travailler sur la confiance. Et il a poussé son auditoire d'aller au-delà de leur fameux certificat. Parce qu'en fin de compte, ces certificats pénalisaient les femmes. Et Jésus voulait mettre la femme à un pied d'égalité avec les hommes, surtout dans cette section. Donc, vous voulez discuter le meurtre? Moi, j'aimerais vous parler de votre colère. J'exige le pardon et la réconciliation. Vous voulez discuter l'adultère? Moi, j'aimerais discuter la convoitise. Et j'exige la discipline. Vous voulez discuter le divorce? Moi, j'aimerais discuter la façon que vous traitez les femmes. Et la fidélité dans le mariage, j'exige l'engagement. Et maintenant, on arrive pour le quatrième des six et le dernier pour aujourd'hui. Et ça dit, vous avez encore, ok, voilà, on est dans la deuxième section maintenant, vous avez encore appris qu'il a été dit à vos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Ceci encore, c'est une de ces fameuses lois dans Lévitique, repris en Nombre, repris en Deutéronome. Mais encore, Jésus ajoute un hyperbole. Parce que les gens à l'époque, pour prêter serment, ont prêté serment sur le ciel, sur la terre, sur Jérusalem, sur la tête de qui que ce soit. D'où vient notre fameuse expression en bon québécois? Sur la tête de mon grand-père. Vous connaissez l'expression. Ah oui. Je vous confie sur la tête de mon grand-père. Je me souviens, il y a quelques années, un autre voisin était en vacances pour 6 mois en Floride. Et je voulais mettre nos bicycles dans sa cabane pour l'hiver. Et l'autre voisin avait les clés. Donc, j'ai dit, Jerry, est-ce que je peux mettre mes bicycles? Penses-tu que René sera d'accord? Oh, Glenn, aucun problème. Donc, j'ai pris nos 5 bicycles et on les a mis, pas dans notre garage, mais dans la cabane de René. René est venu plus tôt que prévu. Et quand il a senti rigole, et quand il a vu les bicycles, il a capoté. Il a capoté. Et il est allé voir Jerry, et Jerry a dit, et je le cite intégralement, « Je jure sur la tête de mes petits-enfants que je n'ai pas donné la permission à Glenn de les mettre dans la cabane. » Et René a dit, « Mais Glenn n'a pas la clé pour ma cabane. » En tout cas, il y avait la chicane de voisinage. Finalement, on a pu rétablir la paix. J'ai enlevé mes bicycles, je me suis excusé auprès de René et Ruth, et je me suis excusé auprès de Jerry et Claudette. Et je me suis dit en dedans de moi, « J'espère, Jerry, que tu vas t'excuser aussi auprès de tes petits-enfants. » Mais vous voyez comment on veut des fois se détourner. On se trouve coincé dans une discussion et on fait une de ces hyperboles. Donc, qu'est-ce que Jésus exige? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Daniel est au courant, là, à direction. À l'heure actuelle, on est en train de renégocier notre bail sur notre bureau. Oh, c'est dommage que le oui n'est plus simplement suffisant. Notre bail, 47 pages. Est-ce que j'exagère? Et j'imagine que ça, c'est un petit bail. Dans la baille, il y a une clause gris peint. Et j'ai dit à notre agent, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Ah, il a rigolé, il dit, Glenn, c'est standard. Il y a quelques années, quelqu'un avait un toaster dans son bureau et il a grillé ses toasts et il y avait la boucane. Donc, depuis ce temps-là, on n'a plus le droit d'avoir les gris peints dans les bureaux, dans ce bâtiment. On appelle ça la clause grippin. Mais vous voyez, donc, un clause grippin, c'est comme de prêter serment sur la tête, Jérusalem, le ciel, la tête de mon petit enfant, parce qu'on n'est pas capable de dire oui lorsqu'on veut dire oui et non lorsqu'il faut dire non. Et Jésus dit ici, j'exige la vérité. J'exige l'honnêteté simple. Qui n'est pas toujours simple. Et ça, c'est la raison pour laquelle Jésus nous pousse d'examiner de nouveau nos cœurs. Donc, vous voyez comment Jésus a intensifié, a radicalisé la loi? Parce qu'on veut mettre les choses comme le Torah. On veut avoir nos 649 lois. Et si on les fait, positivement ou négativement, on est dit, « Hey, je suis bien beau, moi. » Et Jésus dit, « Non, non, non. » vous avez décidé de me suivre, n'oubliez pas, hein, l'invitation précède l'impératif. En suit Jésus. Et maintenant, il dit, j'exige la discipline. J'exige le pardon et la réconciliation. J'exige l'engagement dans vos relations maritales. Et j'exige aussi un respect pour les femmes et une honnêteté. J'aimerais, en conclusion ce matin, revenir à la première antithèse et la colère. Et surtout dans le contexte du deuxième dimanche de l'Avent. J'ai longuement mijoté la colère parce que moi, j'ai dû identifier en moi, très peu après que je suis marié avec Sandy, j'ai dû admettre qu'en moi, il y avait une colère que je n'avais jamais vue auparavant, mais à un moment donné, dans un éclat, j'ai vu moi-même pour qui je suis. Et Sandy était très patiente avec moi. Je suis allé voir un thérapeute qui m'a accompagné pendant quelques mois. Et j'étais capable de faire face à cette émotion. Comme Martin, je n'ai jamais commis de meurtre. Pas encore. Oui, pas encore. Oui. Jusqu'ici. Mais j'ai dû faire face à la colère en moi. Et parmi les choses qui m'ont aidé, c'était de voir le travail que Dieu a fait en Jésus-Christ. À la croix. Parce qu'à la croix, Romains 3 le dit, 1 Jean 2 le dit, 1 Jean 4 le dit, que Dieu en Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu contre le péché. Et Jésus a pris sur lui-même. Jésus s'est identifié avec l'humanité. Et il a pris la colère de Dieu sur lui-même. Et il l'a bel et bien crucifié. Et j'ai été capable de dire, « Ok, Dieu, je vais te donner ma colère parce que ton Fils a pris ta colère envers l'humanité. » Mais j'espère que je suis assez sage, un peu comme alcoolique anonyme. Il n'y a pas un alcoolique qui va dire, « Je suis une ancienne alcoolique. » Jamais. Que disent les membres du AA? Je suis une alcoolique et je ne bois pas aujourd'hui. Et Dieu en Jésus-Christ nous guérit. Et Jésus est venu pour ça. Donc, un de mes textes préférés. Et je conclue avec ce texte ce matin. On a essayé de pratiquer ce texte avec les enfants quand elle était jeune. Paul dit ceci aux Éphésiens. C'est pourquoi débarrassez du mensonge et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres des uns des autres? Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise devant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement les paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, racas, morons, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensibles les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Et mes amis, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre société, ça, c'est radical. Ça, c'est radical. Et si nous voulons vraiment manifester l'avant de Jésus-Christ, voici ce qu'il veut qu'on fasse. Mais moi, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de Jésus en moi pour le faire. Prions. Seigneur, j'aimerais te remercier par la façon que tu m'as parlé cette semaine dans ce texte. Et je prie pour mes sœurs et mes frères présents aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que nous puissions vivre ce texte et que corporellement, dans notre communauté, nous puissions être les gens qui incarnent la façon que tu veux qu'on vive. Et Seigneur, exerce ton ministère dans nos vies parce que ces textes nous poussent de nous examiner. Mais nous voulons que toi, tu reçois tout l'honneur et tout le crédit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine.